riez, riez fort, vous verserez des larmes qu'ils riront encore. Dieu que c'est facile pour les imbéciles d'être aveugle et sourd, un grand amour d'être aveugle et sourd. Mon Dieu, qu'elle est drôle, avec ses cheveux-là, elle a l'air d'un saule, comme mon Roméo, donne-nous le plus beau. Pourrait-il vraiment tenir ses serments, comme nous tous il ment. Sous-titrage Société Radio-Canada.

사랑을꿈꾸고여슬아침무릎이스치면곱실대는꿈꾸고변호사의손가락스치면본바는꿈꾸고경사들의목덜미스치면목배는꿈꾸고온갖꿈다스리는맨여왕 맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕요정들의여왕맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕맨맨맨 공기처럼멀고고바람처럼현저스런꿈헛된망상에서태어난꿈다스리는맨여왕 맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕요정들의여왕맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕맨맨맨맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕요정들의여왕맨맨맨맨맨여왕요정들의여왕 그대 입술 향기 새별 잠긴 내님의 두 눈 찾았네. 주인네

밤새 노래하고 아침이 밝으면 이제 노래하고 아침이 밝아오면 이제 가셔야 하나요 소적새 지적이고 새벽이 밝아온다 하여도 꽃잎보다 짙게 남겨진 두 눈 별빛보다 맑게 새하늘의 깃발이 달리네 아직

天的 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Que le jour se couche, sans le goût de toi sur ma bouche. Oh,